Il y a une expression très courante en espagnol et qui est toujours suivie du subjonctif parce qu'elle exprime un souhait, un espoir. C'est « ojalá ». « Ojalá » qui s'écrit « O-J-A-L-A » avec un accent aigu sur le dernier « a » parce que c'est sur la dernière syllabe qu'il faut insister à l'oral. « Ojalá ». Ojalá. Ojalá est une manière de dire j'espère bien que. Espérons que. Pourvu que. Par exemple, pourvu qu'il vienne. Ojalá venga. Ojalá venga. Est-ce que ça vient de l'arabe? Tout à fait. Ça vient effectivement de l'arabe. Les Arabes ont été présents en Espagne pendant près de 800 ans. Dans Ojalá, on a Allah. Littéralement, ça veut dire « si Dieu veut ». En arabe, « ojalá », c'est « si Dieu veut ». Alors, après « ojalá », comme on exprime un souhait, un espoir, on a automatiquement le subjonctif. « Ojalá, ojalá venga ». Alors, comment direz-vous « pourvu qu'il puisse venir ». Ojalá. Ojalá, oui, pourvu que il puisse venir. Pueda venir. C'est ça, pueda. Pueda, c'est du subjonctif présent, dont on intervertit les sons clés, donc pueda. Alors, encore une fois, pourvu qu'il puisse venir. Ojalá pueda venir. Ojalá pueda venir. Ojalá, pourvu que, pueda venir, il puisse venir. Bon, alors, ojalá est décidément un petit mot bien utile, puisqu'il sert aussi à exprimer le regret. Par exemple, si seulement tu avais pu venir, si seulement vous étiez ici avec nous, etc. Seulement voilà, comme dans ces cas-là, on va avoir besoin de subjonctif imparfait, donc de la forme tirée de celle en ron du passé du point, ojalá, suivi du subjonctif imparfait, ça veut dire « si seulement ». Tandis que « ojalá » suivi du subjonctif « présent », ça veut dire « pourvu que ». « Pourvu que », tout à fait. Alors, prenons par exemple « si seulement vous étiez ici avec nous ». Vous vous adressez à quelqu'un que vous voyez. Alors, « si seulement », c'est le petit mot magique. Ojalá. Ojalá, oui. Si seulement, ojalá, vous étiez ici avec nous. Est. Alors, maintenant, vous allez avoir besoin de la forme tirée du passé du point. Ojalá es. Estuviera. Ojalá estuviera. Ojalá estuviera. Si seulement vous étiez ici avec nous. Nous se dit littéralement. Nous autres. Aquí con nosotros. Ojalá estuviera aquí con nosotros. C'est ça. Si seulement vous étiez ici avec nous. Ojalá estuviera aquí con nosotros.